Eine Landschaft in völliger Stille. Von ferne ein Radio. Hat mir gewachsen ein Französisch. Des fois, toujours quand je m'ennuie, logiquement, c'est la plupart du temps où on réfléchit à des choses. À des choses qu'on réfléchissait pas avant. Qu'on pense pendant que les autres jouent à pont sur la console, en entendant des petits bruits comme voilà, les bruits mécaniques de la console, des manettes ou de l'horloge. Le temps passe-t-il sur toi? Pas trop. Je me sens pas vieillir. Je me vois pas vieillir. Tu t'observes dans le miroir? Pas trop, ça ne m'intéresse pas trop. D'aucuns ne t'ont-ils pas dit qu'il ne fallait pas regarder dans le miroir? Si, mais je m'en fiche un peu de ce qu'il dit. Après tout, il n'a pas vraiment... Ce miroir, je l'ai déjà vu une fois quand je passais, mais je sais qu'il veut nous faire croire des choses. J'ai déjà entendu parler de quelqu'un qui s'est vu dans le miroir et il s'est vu mort et il l'a cru du coup le lendemain et on l'a retrouvé mort. De la même façon qu'il s'est vu dans le miroir. Ça t'a pas inquiété ? Non, parce que je n'ai pas cru à mon reflet du coup. Et quel reflet vois-tu ? Moi. Comment te vois-tu dans ton reflet? Vois-tu si belle en ce miroir? Je me trouve pas si belle que ça. Bah, je me vois moi dans le couloir avec des personnes autour. Mais des fois, quand je cligne des yeux, je les vois et toujours. C'est bizarre, mais je vois toujours et... Dans la deuxième vision, je vois les gens, mais ils sont plus très vivants. Comment sont-ils plus très vivants? Qu'est-ce qui fait d'eux qu'ils ne sont plus vivants? Certains sont bloqués dans leur position à tout jamais, par exemple. Ils restent comme ça, statifiés dans ce qui coule en moi. On voit des fois la détresse sur leur visage. Et d'autres sont étalés sur le sol. Réduits à l'état de flaque, c'est ça? Certains sont réduits à l'état de flaque aussi. Et moi, je n'ai pas trop de choses qui changent à part que... Bah, non, je n'ai pas grand-chose qui change sur moi. À part des griffures sur moi. Tu as des traces de griffures? Oui, mais des fois je me dis que c'est mon chat. Même s'il fait des petites, mais je sais pas ce que ça fait quand il est grand. Je sais pas ce que ça fait. De toute manière, il ne fera pas jamais de mal. De toute manière. Du moins, il attendrait que je fasse sa taille, ce qui n'est pas trop le cas. Il est beaucoup plus grand que toi. Il fait la taille d'une personne adulte à peu près. Et vu que je suis encore assez jeune, je ne fais pas encore sa taille. En revanche, lorsqu'il est sur toi, il épouse les formes de ton corps et... Et des fois, il rétrécit exprès pour moi, pour... Des fois, il joue avec ma queue quand je la bouge sans faire attention. il se met en état de chat normal, normal, et essaye de l'attraper. C'est ce qui te gêne lorsque tu es dans le bureau. Il me dérange bureau, un peu dans mon travail, mais. Et que fais-tu comme travail ? Des fois, je dessine ou je prends des notes sur l'hôpital. Je l'étudie. Il m'étudie et moi, je les étudie en échange. Et depuis que tu les étudies en retour, qu'as-tu noté d'important ? Eh bien. Malheureusement, je n'ai pas trop encore trouvé leur motivation. C'est ça qui me chagrine un peu, mais. Je sais qu'ils peuvent altérer notre façon de penser et notre façon de voir. Comment estimes-tu qu'ils l'auraient altéré, la tienne précisément ? Est-ce qu'ils seraient à l'origine de ces flaques qui apparaissent, de ces gens qui sont devenus des statuaires de lumière noire dans ton sillage ? Je ne pense pas que c'est eux l'origine de ces morts qui n'arriveront jamais. Tu dis cela parce que tu revois ensuite les patients, tu les croises à nouveau dans le couloir un peu plus tard. Des fois, j'en reconnais quelques-uns malgré que je les ai jamais vus. Je crois que c'était certaines personnes qui étaient dans le miroir, je crois. Mais je me dis que c'est faux et qu'elles vont rester en vie. Du moins, je ne veux pas croire ce que veut faire croire le miroir sur... Je pense que l'altération de leur... Ils utilisent le miroir pour altérer la façon de penser de certaines personnes. Ils le laissent apporter des patients, du coup ils altèrent leurs pensées. Mais j'ai l'impression d'être la seule à ne pas faire attention à ce miroir. Tout le monde en parle, quasiment. Après tout, il a pas été installé. Il est pas là depuis longtemps. Peut-être que je suis bizarre, je suis la seule qui ne fait pas trop attention. Je ne sais pas. Peut-être que je suis différente. Tu es différente parce que tu vois au-delà des reflets du miroir, c'est cela? Peut-être, je ne sais pas. J'essayerai d'étudier ce miroir au passage. Et les gens que tu y vois, tu les entends aussi? Des fois, dans ma tête. Mais je les écoute pas. Des fois, ils parlent dans des langues incompréhensibles. Que j'ai déjà entendu. Que tu as entendu. Étant plus jeune. Étant plus jeune ? Oui. Bonne nuit. Je pense que c'était mon père génitif qui me parlait dans cette langue. Je crois. Bonne nuit. Je suis pas sûre. Bonne nuit. Chut. Après, je comprends pas. J'ai du mal. Et souvent, quand je les entends, je vois un peu flou, mais c'est vrai, je pense. J'essaye de faire attention, je m'assois pour faire une pause, mais... Et ça passe en général. Tu ressens d'autres sensations particulières lors de ces vertiges ? Des fois, c'est rare, mais des fois je sens des mains qui me touchent les épaules, mais c'est tout. Un peu trop intrusif parfois, mais ça passe. Et as-tu surpris quelqu'un ou quelqu'une au bout de ses mains qui venaient intrusivement s'emparer ? J'ai cru voir une fois une main sortir du mur et re-rentrer. Je sais pas, j'ai mal vu. Et ça ressemblait aux mains des personnes statuées. N'as-tu jamais été tentée de prendre la main qui sortait du mur ? Je ne fais pas attention à ses mains. Je sais qu'elles veulent m'attirer de l'autre côté du miroir et que celles-ci veulent que ce qui s'est passé dans le miroir soit réalisé, soit réel. Et je ne veux pas cela. Parce que je ne suis pas un... Je ne suis pas... C'est pas un vulgaire miroir qui va dicter ce que je vais faire. Ou ce que je vais être. Et en as-tu parlé au supérieur lors de... Non, il dirait encore intéressant et il noterait encore dans son carnet. Non, il sait dire que ça et ça ne servirait à rien. Il m'enfermerait pour faire d'autres expériences. Mais je ne fais pas attention et je fais comme si de rien n'était. Je raconte parfois n'importe quoi pour fausser les preuves. Mais ça, il n'arrive pas à s'en rendre compte. Je raconte que je vais beaucoup mieux, que je n'ai rien, des fois. Ou que j'ai vu certains patients faire des choses. Et que... Que dis-tu avoir vu faire par ces patients? Des choses vraies, malheureusement, mais j'ai vu des patients s'en prendre à un autre, mais la routine. Des fois, une fois, j'en ai défendu un, mais ça a servi à rien. Pourquoi est-ce que... Le fait que tu lui aies apporté ton aide, était-il si vain que cela ou... Ça ne sert à rien d'apporter de l'aide ici. Tu peux empirer toi-même ce qui se passe. À part aux personnes que tu connais bien. La preuve, j'ai déjà essayé d'aider un ami, mais celui-ci s'est perdu dans un mur. Triste vie. S'est perdu dans un mur? Oui, et c'était pas le seul d'ailleurs. Il m'avait accompagné pour sortir, mais... Je sais pas, je l'ai pas revu depuis. Il a carrément dans le décor. Comment s'appelait-il? Je m'en souviens plus trop, mais je crois qu'il s'appelait Bouton, je crois. Mais après, il y avait... Je sais plus c'est quoi son prénom, j'ai des trous de mémoire des fois, mais... C'est l'effet des médicaments, je pense, que je prends de temps en temps. Il y avait aussi une fille qui dormait souvent et un autre qui était dans un fauteuil roulant, je crois. Je sais plus trop. Donc je sais pas si c'était une hallucination ou une réalité. Le miroir où la... dont tu parles, où se trouve-t-il? Dans la salle de repos, dans près d'un couloir. C'est pour ça que certaines personnes se voient dedans et... ne peuvent plus retirer leur regard de celui-ci avant qu'il y ait la fameuse hallucination de leur vie. Toi, jamais elle n'est venue jusqu'à toi cette hallucination? Elle m'a pas su... Enfin, si, des fois elle me suit, mais... Ça, elle vient sous forme de flash, des fois. Mais... C'est pour ça que je passe de moins en moins de temps dans la... Dans la salle de repos. Et parviens-tu à t'y reposer dans cette salle? Non. Ton esprit ne peut vagabonder librement? Je ne me repose peu. Je ne me repose peu. Je regarde l'écran de la console. Il n'y a que ces personnes qui jouent à Pong? Oui. Il n'y a pas d'autres programmes? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres jeux, mais je ne joue que ce jeu sur cette console. Et tu parviens à voir le temps s'écouler tout en regardant distraitement l'écran? Oui. Des fois, oui, ça dépend. Parfois, te surprends-tu à avoir perdu du temps? Oui, des fois, oui, mais... Grâce à ce jeu, je sais que à chaque fois, chaque patient fait le même score au même temps. Du coup, je sais à peu près à quelle heure on est, en regardant les scores. Ça m'aide beaucoup à voir le temps qui s'écoule, même si je sais que je le perds en restant ici. Mais j'ai l'impression que je suis la seule qui fait ça, et la seule qui est comme ça, dans ce... dans cet endroit. Après, il y en a d'autres qui dessinent. Mais... D'autres que toi dessinent ? Oui. Il faut des choses débiles, mais... Des choses débiles et des choses incompréhensibles. Que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est une histoire dans leur vie que... Ou alors c'est leur folie qui s'exprime. Leur attardement, je ne sais pas trop. Tu en juges certains attardés, par diminués les, par les pilules, oui. Les pilules te... Rétriche. Le... À cause des pilules, tu ne peux pas élargir ta façon de penser. Tu penses... Je pense même pas comme un arbre. Les arbres sont beaucoup plus intelligents qu'on pense, mais tu penses comme les statues qui étaient dans la vision. Et certains pensent comme ça. Et voir, ils ne pensent pas. C'est le but d'une statue. Même s'il y en a certaines qui pensent plus que l'on ne croit. Mais je me pose toujours cette question et je sais qu'un jour je la serai, mais il me fera beaucoup de temps et je suis sûre que même si je ne peux pas finir mes jours ici naturellement, je peux peut-être savoir le but réel de cet hôpital. À quoi sert réellement cet hôpital? As they wait, Virgil explains to Dante the arrangement of hell. 11. Gesang, Vers 16. Wow! Now my son! Schaut doch mal, Tu vas pouvoir y avoir accès. The hole, l'inferno, the hell, is the... Alors, bah là, ça va faire un centimètre. Auf justement, ça donne la... Der Welt an einem Regler zu drehen und sie besteht aus 33 und einem Gesang, das ist Epoch bei Dante. Waren... Die Holle wolle ewig wiederkehrende Lieder und Qualen deise. Wirklich Qualen, Hollen, Holle, the real hell I say. I inferno aus, Schallkrisen, Closed Circuits, Lautsprecken, Loudspeakers, Radios, TV-Sets, Bestehen. Denn this is Radio Inferno. Und der Himmel, you know, hat die Farbe eines rauschenden Fernsehkanals. And lasciate ogni speranza, voi ci entrate. Lasst alle Hoffnung fahren, wenn ihr eingeschaltet und die Welt geht the frequency clear. Ist ein Frequenzmodulation oder eine elektromagnetische Hallucination. 1, 2, test. Ein Datenfluss, Message equals 0. Zudem ist, nein, mehr und never more, ein Jenseits geben wird. There is no hereafter, no eternity, no inferno. Deren Achterin aus den Raben bis der Quote Kanton. First 58, the 8th circle opens to receive. Hippocrates flatters dealers in sorcery, panders and cheats and all that filthy stuff with theft and simony and barratry. Unquote. Warender, Roy, Kreis, Einzig von Eist ist dahin kommen, der noch und alles wird von Monstern, real Monsters, Teufeln und Giganten bewatscht, fallen ganz in der Mitte. Der Holle der Erd des Universums, der Schwerkraft, der Apparate dreiköpfig. Lucifer wartet. Come on, Lucifer. Lucifer is waiting for us. So, in the smallest circle, that dark spot, core of the universe and throne of this, the traitors lie and their wound dieth not. O Meister, völlig klar entwickelt es dein Verstand. Und ganz genau zergliedert er diesen Abgrund und das Volk darinnen. Cette grande fille passait devant moi, et à chaque fois que je passe dans son sillage, je sens une odeur qui m'est étrangement familière. Alors, c'est sûr, c'est... Howard. Felsig der Anblick. Je connais sa sueur. Elle sent la sueur, mais c'est sa sienne. C'est pas celle d'une autre. Et quand elle est passée dans mon couloir, je sens la sueur. Je sens la sienne, mais je me dis, elle est où est-ce que je l'ai vue, cette fille? Alors c'est pas celle qui est en train. Le miroir qui s'endort tout le temps, comment qu'elle s'appelle déjà? Marmotte. Non, c'est pas Marmotte. Marmotte, Marmotte fouille tout le temps à côté de moi et elle me réveille quand je m'endors dans la salle d'angle. Parce que c'est pas mon passion, je suis pas là pour écouter les vieux programmes télé qui parlent de psychologie, de choses bizarres et étranges et de la guerre en Irak. Et puis de Trump qui finalement il a gagné les élections d'abord. Il n'est jamais content. Mais en fait non. Et le coconavirus. Ouais. Je la connais cette fille. Pour qu'elle dise coconavirus. Je l'avais sur le bout de la rate. Il y a quelqu'un qui peut le dire. Avec le rire en le coronavirus. Le coconavirus. C'est comme la sueur. Dans la tessiture de sa voix, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais je la vois de moins en moins où je suis plus sûr que c'est elle. Puis j'ai l'impression qu'elle me... Comment qu'ils disent les gens? Elle me clacule pas. Elle me clacule pas. Elle me claquette pas. Je me demande c'est qui cette fille. Moi, j'ai pas de réponse. J'ai juste le souvenir des filles que j'ai vues crier parce qu'elles voulaient pas aller dans la salle d'examen. Elles voulaient pas aller en bas. Mais je sais qu'elle n'était pas avec, parce qu'elle est avec Marmotte. Souvent elle est avec Marmotte, mais quand je dis à Marmotte, hey, tu me la présentes, tu me dis, hey, comment qu'elle s'appelle déjà? Puis Marmotte, elle se tourne vers moi, elle me regarde avec un gentil sourire dans le regard, et puis... Elle s'endort sur mon épaule et elle a oublié de me répondre à chaque fois. Ou alors, si elle m'a répondu, eh ben, j'ai oublié la réponse. Alors c'est pareil. Attends. Mais j'entends son rire, son petit rire en cascade. son petit rire et puis j'entends « Ah non, hein, pas les chatouilles ou quelque chose de genre. » « Ah non, tu chatouilles pas, non. Ouais, un peu comme il fait le Eli, mais c'est pas le Eli. Le Eli, il est tout le temps à traîner, lui, il a trouvé le moyen de sortir, il sort par le soupirail. Il sort par le soupirail et puis on revoit plus. Alors, comme elle ne répond pas, ma copine, eh ben, Marmotte, hein, parce que c'est ma copine, Marmotte, eh ben, comme elle ne répond pas, Marmotte, j'ai décidé de lui laisser des messages sur tous les miroirs pour qu'elle me voit. Et puis que ma copine, sans nom, eh ben, elle finisse par me voir. Alors, je fais tout, hein, à chaque fois qu'elle passe, je fais tout coup. Je suis là, mais elle me regarde pas. Ouais, elle repousse ma main. Je tends la main. Mais elle me regarde même pas. Elle me cacle pas. Elle te claquette pas. Et je te claque. Elle me calcule. Claquette. Chute. Calquette. Alors, je sais, moi, quand je me regarde dans le miroir, et ben on voit même plus que mes deux petits yeux là qui sont devenus comme des pointes. Parce que on va bientôt faire l'échange des yeux. Parce que là, je me suis trop consumé dans. Trop consumé en fait. Je suis tout racourni, on dirait un ver de terre. Ma tête, c'est juste une vieille pomme toute ridée dans laquelle il y a deux trous là, comme les nœuds dans le bois. Des nœuds noirs et profonds dans lesquels il y a deux petites perles. Des perles de lumière. Une lumière intense que même dans le miroir on la voit. Mais dans le miroir, eh ben, elle ne me voit pas. Je fais et c'est comme si ma voix, elle était portée par l'eau et elle rebondit, elle fait des ronds. Elle fait des ronds. Ça s'éloigne de moi. J'entends le son qui s'éteint parmi tous les fourmillements de voix que bourdonnent dans les câbles qu'il y a dans les murs, dans les nervures des feuilles. Maintenant, elles poussent très fort, très vite, et elles tombent et elles font comme une litière sous le pied. Alors moi, c'est bon, hein, je les mange. Comme ça, je ne meurs pas totalement de faim, mais je sens que il y a quelque chose qui les menace. Moi, comme je vis depuis un moment dans les murs, comme je suis le ver dans les murs. Je n'ai pas trop pris d'air. Moi, je suis en train de comprendre. Et ben, on me voit. Oh, il est creepy. Oh, il est mignon. On voit plus que mes dents et mon regard. Il est pas vide, mon regard, mais c'est ça. Elle voit que le vide alors qu'il est plein d'étoiles. Les étoiles qui brillent au dehors dans la nuit. Et elle ne voit pas les étoiles. Je sais pas ce qu'elle cherche dans le miroir, mais en tout cas, elle voit plus les étoiles. Son regard, il est comme endormi. Comme si on avait éteint. On l'a marmotté. Ouais, c'est ça. C'est comme si on avait fait d'elle une deuxième marmotte. Mais en fait, par intermittence, elle se réveille. Et quand elle se réveille, eh ben, il y a de l'eau qui coule partout dans les murs. Qui ruisselle sur les murs. Oh, pas encore. Et après, ma litière, elle est toute noyée dans l'eau. Est-ce qu'il fait pipi de son quoi, sa litière? Eh ben, les feuilles que je mange, t'écoutes pas ce que je dis. Ah oui, tu as ça assaisonne un peu dans ta vie. salé. Bah non, parce que c'est salé et puis ils n'arrivent plus à manger comme si les murs, ils pleuraient. Comme si les murs, ils pleuraient. À tel point que maintenant, quand les patients, ils marchent dans le couloir, ça fait flic, flop, flic, flop. Sensation de déjà vu. La question, d'où vient cette sensation de déjà vu? Vite, t'en dis 8. Tu connais pas la musique là? Il a fait le plus grand score. Il a fait 8. Il a fait 8. Il a fait 8. 8 dans le dé 8. 8 dans la 8 dé. Zwölfter Gesang, Vers 101, Ufer eines roten Brodels, lautes Schreien der gekochten Seelen, eingetaucht bis zu den Braunen. But now, look to the veil! J'ai choisi de répondre à une question de nervure. The river of blood! Where all those wretches boil? Whose violence fills the earth with pain and fear? Qu'est-ce donc que ce soit? Baby long! Regarde, son ombre, elle dérange l'œil. Et là, il a accès à tout. Ah non, non, il l'a esquivé. Non, nous, on l'atteint, donc ça nous touche aussi, Ich sah hinein in einen breiten Graben und zwischen Fels und Strom und Pfeil und Bogen längs Kentauren laufen, treffen jede Seele, die vom Blute mehr als die Schuld es zulässt, aufgestiegen. C'est elle qui fermera et ton point de départ, c'est l'ébene von heißem, dichten Sand, nackte Seelen, viele Schafe, elendes Wasser, manche möglichst auf dem Boden, Regen von Flocken großen Feuers. Non, ça c'était ta question de départ de la question. C'est ce qui a fermé ton instinct sur ta vie. Donc là, tu vas te poser une autre question et tu dois déterminer. Oui. Tu peux partir de la trop tôt. Tu dois déterminer la portée de tout le monde. Dante and Virgil come to a pathless wood. Here withered trees enclose the soul of the suicide. Dante talks to a bush, which is the soul of a toad. In a desert of burning sand, under a perpetual rain of fire, Dante finds blasphemy with the violence against God, nature, and art. The radio is calling for war. Donc tu peux reprendre certaines de mes questions, ou choisir une question nerveuse, ou une question... Je vais d'abord lire tous ceux qui sont là, mais... Quand il y a la sorte de croix, c'est que je peux pas les utiliser, c'est ça? Bah, tu les as déjà utilisés peu, en les revisitant. C'est mieux, on a un petit peu à prendre... tutta l'un dei duri margini e il fumo del ruscel di sopra, sì che dal fuoco salva l'acqua e gli argini. Già era in loco onde subia il rimbombo dell'acqua che cadea nell'altro giro, simile a quel che l'arnie fanno rombo. Dort, wo man das Rauschen hörte. Des Wassers, das zum nächsten Kreise stürzte. So ähnlich klang es wie der Bienensummen, die dunklen Wasser laut hinunterbrausend, dass sie in kurzer Zeit das Ohr betäubten. Es fühlt ein Combat titanesque que Ellie entreprit. Il perdit un bras découpé sous l'eau par la créature, qui est maintenant gisante sous ses pieds. Le bandage, comme un serpent attiré par la musique, formate un bras. Et les habitants des rêves s'approchèrent et regardaient la dépouille. Et ils le regardaient aussi, Ellie, avec étonnement. Et l'un des personnages des rêves se distingua des autres. Il poussa la foule et s'approcha et dit « Hé, toi là, que fais-tu dans le royaume? Pourquoi as-tu eu tué cette bête ?» Et c'est alors que j'eus la boule au ventre. Je commençais à reculer. Puis, une ziglute s'approcha. Et elle dit « Eh, mais vous n'avez pas le droit de vous moquer de mon ami d'abord. Parce que moi, j'ai une tante d'abord. » Alors, un autre habitant du rêve s'approcha de l'homme, enfin, l'un des autres habitants du rêve qui m'avait interpellé. Et il dit « Pourquoi tu lui parles comme ça? Il vient quand même de vaincre notre pire cauchemar. » Et la ziglute Bouton dit « Ouais, c'est vrai ça! Pourquoi tu me parles comme ça? Et moi d'abord j'ai une tante, hein, je vous dis, je suis dangereux. » Alors, je descendis de cette dépouille et commençais à m'éloigner, la tête vers le bas. J'avais des traces noires de partout, mes chaînes qui pendouillaient. Et l'un des habitants du rêve me demanda si ça allait. C'est quoi ça? C'est un personnage de... Et par réflexe, je l'attrape. Mes serres déchirèrent mes bandages. Et je me retournais et me menaçais de mes chairs. Je me rendis compte que ce n'était que quelqu'un qui me voulait du bien. C'est peut-être mon pote lui en fait. Et alors mes serres se rétractèrent et il a eu peur et il fuit très très loin. Très loin. Je cours. Je me rapproche de Clarisse. Je prie la dépouille. Et je m'enfile un manteau. De mes chaînes. De mes serres. Mes chaînes sortirent de mes mains et transpercèrent les chairs de cette dépouille pour aller jusqu'au cœur, l'attraper et se rétracter jusqu'à dans mes mains où un cœur enchaîné restait. Et alors, j'essayais de me retenir, mais c'est comme s'il y avait une deuxième personne dans ma tête. Qui me disait « Mange-le !» Tu peux le refaire plusieurs fois. « Mange-le !» Et je dis tout à coup « Pourquoi je ferais ça ?» Et tout le monde me regarda étonné. Déjà qu'il me regardait bizarrement avant. Et maintenant, il me regarde comme si j'étais un démon. Enfin, c'est ce que je suis, en fait. Et mon œil, enfin, mes deux yeux étaient noirs à ce moment-là. Et l'un de mes deux yeux redevint... Enfin, dans l'un de mes deux yeux, une pupille s'alluma, telle le bleu, une lampe torche. Mes serres s'allongèrent jusqu'à devenir des griffes ou des doigts totalement disproportionnés au corps. Des doigts qui coulent. Et mes cornes, dont l'une était cassée, avaient maintenant bien grandi. Partout autour, les vrilles poussent, croissent, les feuilles d'automne s'amassent, les vrilles ont fini de désarticuler les carcasses amassées de véhicules du temps jadis. Qui ont perdu toute couleur sinon celle de la rouille, et quelques éclats métalliques et chromés, quelques brisures de verre qui captent brièvement les rayons du soleil lorsqu'il parvient à percer la nue, d'où s'écoule continuellement une averse qui ruisselle sur la végétation, qui ruisselle sur les êtres, qui ruisselle sur le peuple des rêves, qui achève de rendre tout autour mou. Flasque, qui se gorge de cet oubli qui sourd depuis les nuages. C'est une pluie d'oubli qui se répand dans les contrées des habitants du rêve. Car la plupart n'ont pas de rêve prévu pour eux. Ils sont comme oubliés au fond d'un tiroir, piqueté de chures de mouches. Un vieux tiroir où surnagent quelques feuilles, quelques reliefs d'automne qu'un enfant aura oubliés. il y a fort longtemps. Un enfant d'homme qui gît maintenant sous la terre et l'humus, réduit à l'état d'esquille d'os, juste noué entre elles par la boue. Et pourtant, dans ce tiroir, il reste toujours ces petites vrilles oubliées. La plupart des habitants des rêves refusent d'aller dans cette contrée au bord de la rivière, là où les cauchemars rôdent, s'immiscent dans leurs rêves les hantent. Ils se cachent les uns derrière les autres et ne sont plus que les ombres d'eux-mêmes, de petits traits couchés sur le papier, oubliés dans un vieux carnet, des pensées à peine esquissées et sitôt abandonnées, parce que d'autres, plus tentantes, plus rondes, plus grandes, ont ravi le cœur et l'envie. Et alors, lorsqu'ils forment une colonne comme un I, ils s'apprêtent à révéler le secret du rêve qui devient cauchemar, là où on les envoie quand même, là où leurs pas les portent lorsque leur angoisse les étreint trop fortement. Ils sont comme écrasés par le poids de pierre, le poids minéral qui choit depuis les nuages. Ils veulent tous faire le même rêve. Ils essaient de rester le plus longtemps possible en inventant n'importe quoi avant que le ruissellement de l'oubli ne les emporte. Et tous, ils susurrent et chuchotent. Refais les bois du sel. Refais les bois du sel. Refais les bois du sel. Refais les bois du sel. Et dans leurs yeux en miroir, on peut voir le jeune enfant se dressait dans l'onde, dans la rivière, tel le serpent qu'il n'a cessé d'être, agitait ses membres agiles, rapides, vifs comme l'éclair. Lui, le et revêtir sa tête ophidienne, qui se termine telle celle du monstre qu'il vient de vaincre et de faire ployer, noyer dans les eaux de l'oubli, que même les enfants du rêve oublient jusqu'au chemin qui mène jusqu'à cette bergeonie. Il revêt le trophée et les bois du grand cerf blanc qui ont depuis longtemps jauni et qui ont maintenant la même teinte que tout ici, toutes ces feuilles d'automne oubliées, toutes ces feuilles balayées du rêve où des enfants ont oublié de dessiner le plan qui permet de quitter les rives du cauchemar, de quitter le labyrinthe. Ils emmènent alors le rêve n'importe où. Ils le portent sur leur pas. Il n'y a que de faibles lueurs qui pourraient les guider. D'autres jours pluvieux qui se reflètent par la fenêtre. Ces moments où on s'abandonne, on abandonne sa joue d'enfant à demi endormi. On la pose contre la vitre, toute fraîche, et on regarde la buée, et au travers de la buée, la pluie dessinée des arabesques et des messages, et comme une carte d'un pays étrange, le pays des rêves. Mais là, on est au cœur du pays du cauchemar, des choses, des mains se saisissent des corps des petits êtres du rêve et les retiennent sur la rive du cauchemar, alors que le mais ça compte pas. S'éloigne. Ça fait du bien. Tu sens sur ta joue la froideur de la vitre. Une froideur qui dissipe les fièvres que dispensent les médicaments donnés par les blouses blanches. Je suis vous. Quand je disais que mes cornes, mes serres et tout ce qui avait d'effrayant en moi avait grandi, j'ai remarqué ça, je n'arrivais plus à me contrôler. Je savais plus ce que je faisais. Je voyais tout flou. Je voyais que je bougeais, mais c'était pas moi qui bougeais. C'était la lumière noire qui me faisait bouger. J'ai vu le cœur se rapprocher de ma bouche. Puis disparaître. Pouf, il a disparu. Et la tâche disparaît avec la muscule. J'ai aussi vu. C'était très très flou. J'ai vu un jeune enfant du nom de Timmy. Cornu. Et c'était une chimère. Lui, il était très sage. Mais moi, je ne l'étais pas. J'ai vu que je lui fonçais dessus sans même le vouloir. Et après, ce que j'ai vu était vraiment affreux. J'ai vu sa dépouille entre mes mains quand j'ai repris mes esprits. Je me suis rendu compte que j'étais en train de le manger. Et tout le monde me regardait. Tout le monde. Tout le monde était choqué. Tout était inversé. Le ciel était devenu noir et les arbres étaient blancs. La lumière avait été inversée. C'était étrange. Et il y avait ces petites gouttelettes de partout. On aurait dit que j'étais en train de rêver. Tu es devenu le maître de ce rêve. Je crois, mais à un moment, je ne contrôlais plus ce que je faisais. J'ai mangé le cœur, la créature. Et j'ai aussi mangé un enfant qui n'avait rien demandé, qui observait, qui n'avait rien fait. Et alors j'ai éprouvé le besoin de me cacher. Mais alors, Comment ai-je détruit l'usine? Luogo è inferno detto malevolge tutto di pietra di color ferrigno come la cerchia che d'intorno involge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un fosco assai largo e profondo. Die Verbrecher unterteilt in 10 verschiedene Gruppen. Im Grunde grün nackt und bloß die Sünder. Welcome to the Terror Dome on Radio Inferno. Now in the 8th circle of hell, we're coming to our countdown to hell, our eternal hit parade of sin and punishment. It's divided into 10 concentric trenches containing those who committed malicious frauds upon mankind. This is Radio Inferno, and the first trench are panderers and seducers, driven and scourged by real devils. Listen how they run in their trench. Kuppler und Verführer. Mais là, il n'y a rien qui se passe là. Tu es assise dans ce fauteuil inconfortable pour l'un de ces entretiens avec les supérieurs. Tu t'attends au pire. C'est un lieu aseptisé comme il y en a tant dans cet hôpital. Et pourtant, partout tu as le souvenir de ces murs où l'eau sointe ruisselle, où la moisissure gagne, ronge les tentures. Et là, tu as changé de bureau où tu as oublié lequel était le tien. Celui, l'as-tu déjà vu? Tu attends. Plus qu'un bureau, cela ressemble à une table d'opération qui est face à toi. Une surface unie, chromée, où ton visage se reflète face à toi. Ton visage perplexe qui contemple cette surface lisse, sur laquelle sont posées de vieux crayons de jadis. Leurs capuchons non loin. Et une lame de bistouri. Salut, c'est moi, Tchoupi. Et un carnet. Et un carnet. Le carnet de notes. Ok, je vais dire c'est Kiki. Tu es seule. La blouse blanche a refermé à l'instant la porte derrière toi. Tu entends tout autour l'hôpital bruire de mille vies. De toutes les vies qui s'agitent à l'intérieur, qu'elles soient de chair, de sang, qu'elle soit végétale et rampe sur les murs, ou bien encore électrique et mécanique, et qu'elle s'insinue à l'intérieur des câbles qui parviennent sur les pupitres, car il y a de nombreux appareils suspendus aux murs tout autour, des oscilloscopes qui laissent apparaître des fronts d'ondes étranges. Tu ne sais pas ce qu'il mesure. Devant toi, il y a un masque avec des électrodes. quelqu'un est entré dans la pièce et ton regard était captivé par ces petites capsules, ces petits fils et l'idée que tu ne voulais pas qu'ils rejoignent ton front. Ah bon ? Je pense que non. Et une blouse blanche, deux blouses blanches rentrent dans la pièce, viennent t'immobiliser. S'ils essayent de faire ce que je pense, ils vont le regretter. Et si vous faites ce que je pense, tes chevilles au siège inconfortable. Et faites attention, je m'appelle Oubli. Tes mains sur les accoudoirs. Les sanglés. Tu sens la tension monter en toi, c'est ça? Je suis totalement détendue. Ah oui. Tu mimes la décontraction. Tu essayes de dissimuler. Non, je le dissimule clairement. Non, tu l'affiches clairement. Non, je le dissimule. Tu le dissimules. Non, tu sens la tension. Tu sens la tension monter en toi et on place l'espèce de casque qui vient revêtir ton cuir chevelu. Je bouge mon tête. Tu vas aller en fait. Et l'un des infirmiers ta ceinture, tu le mords. Oui. Et lorsque tu mords, tu arraches la chair. Ah, encore des vers. Et qui viennent t'agrouiller et que tu recraches des vers blancs qui s'agitent dans ta bouche. Tu t'agites, et maintiennent aussi ta tête contre le dossier pour placer bien fermement l'appareil. Puis les électrodes, tu ne vois pas celui qui s'installe, tu ne le vois pas approcher, tu es tout captivé par ton attention est obnubilé par la présence des deux blouses blanches, ton agitation, tu vois que des images qui succèdent, fragmentaires de leur silhouette. Je me calme. Tu te calmes. Et je bouge plus. Et là, tu sens. Je lève les bras, sinon je peux pas. Tu peux pas, mais tu sens comme des mains qui viennent te saisir. Je griffe les mains. Alors, tu griffes les bras, effectivement, tu sens tes griffes se planter dans de la chair. Et alors que elles s'enfoncent plus profondément dans celle-ci. C'est sûr, c'est le bouton, c'est sûr. Le pauvre, il aurait pris 36 000. Tu es sûr que c'est le bouton? Non. Je sais pas c'est qui, mais je le plante. Tu plantes bien. Non, je plante pas. Non. Je pose. Non, si je pose. Sur toi, oui, je pose. Mais tu as planté dans le bras et tu sens le bras refluer. Voilà, et tu relâches la main au moment où les mains s'apprêtaient à saisir tes serres. Elle s'empare de tes serres et te relâche et le contact s'interrompt totalement et face à toi tu as une personne fort âgée qui sent comme le vieux mur ranci qui laisse exhaler. Pas grave, il sera mort encore. Pour changer. Qui laisse exhaler une odeur comme celle que l'on croise dans les couloirs du sous-sol. Celle qui reste comme une vieille odeur de cave. Il a juste ses vieilles lunettes cerclées de fer. Je grogne. Il n'a presque plus de cheveux sur le haut du crâne, mais il reste... Qui brille sous l'éclairage. Mais il n'a pas de lunettes, c'est pas grave. Et il va m'opérer et je vais mourir. Il passe une main distraite mais sur le côté. Mais vous avez pas de cheveux, comment se se repeignant. Mais se peigner quoi? Et se lustrer le front. Regarde. C'est luisant. Regarde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une serviette, il fait « Ah, c'est luisant !» C'est monsieur propre. C'est monsieur propre. Il va te proprer, tu vas voir. Il va me proprer. Elle est là, que je me rends dans cette partie. En fait. Désigne-moi la carte... Non. ...que nous allons ensemble examiner. Non. Retirez-moi ça et je le ferai peut-être. Non. Pourquoi? Les dernières fois, tu étais beaucoup trop agité pour que nous puissions... Ah oui, celui-là. Donc, serait-ce celle-ci? Celle-ci? Dis-moi quand j'arrête. Je dirai rien. Tu ne diras rien? Non. Alors, on devra te stimuler. Place... Aïe aïe aïe. Sauf que ça fait mal. Vu que c'est sur le visage. Aïe. Et tu sens monter une onde en toi. Qui vient comme brûler. Bouge tes oreilles. Qui vient comme brûler les pores de ta peau, la saturer. Elle va se reformer. Je m'en fiche, je me regarde jamais dans le miroir. Parce que vous me montrez des cartes que je vais forcément dire. Normalement, il a baissé, ça devrait être mieux. Oui, ça fait mal le son. Oui, quoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé? Que vois-tu ici? Un mouton. J'ai une passion. Une araignée. Un mouton, une araignée. Tu peux voir? Une fille sans tête. Avec un ventre. Avec une bouche. Enfin, sa robe, c'est une bouche. Et elle a un miroir avec une tête d'homme dessus. Et, enfin, je crois que c'est une femme. Oui, c'est une femme. Et il y a une femme... enfin, je crois que c'est un bouddha. Enfin, je sais pas. Il y a une bouddhiste. Il y a une bouddhiste. Une bouddhiste. Voilà, une bouddhiste. En plus, je crois qu'on a la même statue. Donc, une bouddhiste, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a des nuages et de l'herbe pour que le bouton broute. Ça, araignée? Oui, une araignée. Avec une tête de mort. Moi, j'aurais pas dit araignée, perso. Et des nuages roses, et voilà, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui t'indique ce sont les nuages roses qui t'indiquent que tout va bien? Non. La voix semble déconnectée du visage qui est face à toi. Arrêtez de me parler en télépathie, monsieur. Mais je te parle normalement, jeune patiente. Oui, et moi... Pourquoi tu ne vois pas ses lèvres bouger? Et moi, je suis bizarre, bien comme sûr. Comme si il s'agissait d'une vieille photographie sépia. Son visage est celui d'un quinquagénaire... Mais non, mais c'est monsieur Amadouche, ça peut pas être un quinquagénaire. Les cheveux... Ah, pour moi, ce n'est pas une... peigné en arrière, une chevelure abondante, le type asiatique, les yeux... Mais ils ont quoi les asiatiques, là? Les yeux légèrement bridés. Eh, hey, c'est Jonathan. Quoi, c'est Jonathan? Bah, c'est un pote qui s'appelle Jonathan. Alors... Il est la même tête. Non. Il se saisit tout doucement, tu sens ses mains toutes froides, pas moites, absolument sèches, qui se posent tout doucement autour de ton poignet, relève tout doucement ta chemise. Tiens. Tu le pinces? Bah oui. Tiens, je suis un crabe. Non, je suis pas un crabe. Tu le pinces et il te regarde. Je t'ai eu. Et poursuit. Ça ne sera pas tout. Ne bouge pas. Si tu bouges... Soit si tu fais ça, je te mords. Mais, vois-tu, c'est pour te protéger des effets du virus qui se répand. Coronavirus. C'est cela, jeune fille. Tu vois, il se répand sur la ville. Et mon rôle en tant que médecin, c'est d'éviter à deux jeunes filles comme toi d'attraper la maladie. Mais je vais pas mourir, je ne vais pas attraper la maladie. Mais n'aie pas peur, tu ne l'attrapes pas. Et parce que elle a pas le coco. Je vais injecter dans tes veines un produit. Ton corps va réagir et il va pouvoir repousser de lui-même les effets du virus. Je suis pas bête, je sais ce que c'est un vaccin, merci. Tu sais ce que c'est? C'est très bien pour une jeune fille de 6 ans, c'est très très Mais bien. J'ai pas 6 ans! Ah bon? Quel âge as-tu? J'ai 15 ans! Tu as 15 ans? Oui! Ah! Ouais, c'est ça. Prenez-moi pour une débile, allez-y. Il est assis à côté de toi sur un siège légèrement surélevé. Tu sens à peine. Ils ont quoi les crayons là? Tu sens à peine la piqûre entrée dans tes chairs. Et il introduit tout doucement, très lentement, le produit. Et tu vois derrière lui une image d'une jeune femme japonaise. En noir et blanc, une vieille photo. C'est votre femme, c'est votre fille, sur c'est votre grand-mère. C'est qui? C'est ma photo lorsque j'étais. Oh, j'avais le même. J'étais à peine plus jeune que tu n'es à présent. Bien C'était sûr. C'était dans les ruines d'Hiroshima. Oui. Je te conseille de courir. Je vais courir. Jeune fille, je connais cette femme homme, cette femme. Femme. Et il faut courir, madame. Ok, bonne nuit, au revoir, à demain. Là, c'est moi, madame ou monsieur, je ne sais pas, bonne nuit. Meuse-dame, dit. Ok. Et là, tu as le vieux monsieur au crâne dégarni qui te regarde. Alors, oui, je sais que tu as 15 ans. Là n'est pas la question. Pourquoi ces nuages roses te disent quelque chose de rassurant? C'est rien de rassurant. Le nuage, c'est pas rose, c'est blanc. C'est blanc? Ah oui. Oh. Il y a des nuages roses aujourd'hui autour de nous. Ah parce que... Non, j'ai jamais dit qu'il y avait des nuages roses aujourd'hui autour de nous. Et tu as les mains crispées sur la coudoir. Et là, tu vois... Je vais détruire la coudoir. Tu vois un bras sur lequel tes griffes sont enfoncées. Un bras dans lequel plongent tes griffes. Mais tu ne parviens pas à voir... Qui sont ces bras, s'il vous plaît? Voilà, c'est plongé... C'est en dessous de la table... La table fait obstacle pour voir ce qu'il y a au-delà. Oui. Et à ce moment-là, tu vois une goutte qui tombe sur le plateau qui ressemble à une table d'opération tout lisse. Une goutte qui grésille en tombant. Comme là. Et qui fait... Et qui semble attaquer la paroi et... La personne qui est devant toi place sur sa tête un masque à gaz ou une protection plastique. Pourquoi j'ai plastique. Pas de masque à gaz, moi? Pourquoi j'ai pas de masque à gaz? Mais parce que... J'en ai pas, parce que je résiste. Voilà. Pourquoi? Contrôle ton flux. Non, je contrôle pas mon flux. Alors la pluie va tous nous ronger. Pas moi. La pluie d'acide. Vous, oui, pas moi. Vous, oui, pas moi. C'est ça? Mais juste avant que vous soyez complètement désintégré. Là, tu vois les gouttes qui ruissellent maintenant, une pluie uniforme et drue qui vient grésiller sur les combinaisons de l'homme. Dont la buée sature la visière. Votre crâne aura encore moins de cheveux. Tu vois, qui respire sous son masque. Je suis ton père. Dark Vador. Dark Vador. Et tu sens monter en toi l'énergie qui passe au travers des électrodes. Et tu dis que la pluie va... Non, non, ça n'existe pas, les pluies d'acide, non. Non, si, justement, ça existe. Je sais que ça existe, mais c'est pour ça que je dis que ça n'existe pas. Comme ça, ça n'existera pas. L'obscurité que ménage le contraste fort de la lampe semble diluer ton horizon. Ce ne sont plus les murs lisses du laboratoire dans lequel tu trouvais. Maintenant, tu es dans des ruines pleines de... Oh, un chat. Pleines... La pierre est rongée par le salpêtre. Par la mousse, il y a des vrilles de lichen qui entourent tout autour de toi. Et tu as les mains plongées dans les racines d'un arbre immense qui se tient juste au-dessus et qui cache en partie la lumière du soleil qui tente de percer les nuages. Désolé, petit arbre, je n'ai pas fait écosprès. Au milieu des feuilles, tu vois des petits scolopendres qui viennent, qui remontent sur toi. Laisse-moi tranquille. Tu chasses les bestioles, la vermine. Il y a un tas de feuilles qui entourent les racines sur lesquelles tu avais placé tes mains. Et tu sens sur tes épaules quelque chose qui s'attarde. Tu repousses et là, tu as une branche que tu repousses. Une autre. Et c'est l'arbre juste au-dessus de toi, tu vois le tronc s'ouvrir sur une gueule immense. Je te conseille de courir. Ah bon, je vais pas remarquer. Je cours. Là, tu as juste le temps de voir ce qui goûtait aux côtés de toi. C'est une espèce de sève épaisse qui entre les dents vorace dans la gueule béante de l'arbre viennent tomber sur toi, sur tes vêtements et dégage une odeur nauséabonde. Mon nez, je vais le retirer. Non. Je comprends pas le but de l'hôpital, je comprends pas. Et j'entends une voix. Et tu sens quelque chose qui t'attrape. Un trou noir, un trou noir. Il va me dévorer. Vas-y, comme ça il ne dévorera pas. C'est méchant. Nana, je rigole. Et tu vois... C'est qui ? Une main d'enfant qui sort du tas de feuilles. Comment allez-vous ? Et une tête qui émerge couverte de boue de sève gluante qui lui coule dessus avec comme si elle était solidifiée, comme s'il avait des perles qui étaient disposées en collier sur son front. Bonjour, comment allez-vous ? Et tu vois le visage sans yeux de bouton qui te regarde. Ok, allez, viens. Tu le tires à toi ? Oui. Bah oui, je veux pas de la. Tu m'entends à présent ? M'entends-tu à présent ? Je sais pas. Allez. Tu tires ? Sans rien dire. Et tu le tires et resserre ses bras autour de toi. Non, tu ne m'emmèneras pas avec toi. Hop, redresse. Non. Et tout à coup, tu te retrouves avec... Mais laisse-moi tranquille. Oh, ils vont me manger, manger. Ça va bien. Maintenant, laisse-moi, j'aime pas les contacts. Et Et quand tu dis ça, tu te vois à nouveau non. s'éloigner, s'enfoncer à l'intérieur du mur. Reviens. Tu es assise dans le grand fauteuil de la salle de repos. Je vais encore rêver. Oh, et là, tu vois... Tu es à califourchon face au dossier. Mmh. Et tu tires le corps... un corps presque ectoplasmique. Comme fait d'une huile. Je vais t'étudier. de c'est comme ça, bouton, comme ça que tu l'appelles. Et là, tu vois de grandes larmes noires qui lui coulent sur les yeux. Mais non, ne pleure pas. Tu lui dis ne pleure pas. Oui, ne pleure pas. Ne pleure pas, intéressant. Non, ne pleure pas, c'est contagieux, excuse-moi. Ne pleure pas. Et tu dis intéressant et... Pourquoi il dit intéressant? Je me demande. Et il te tend... intéressant, là. Et tu notes sur ton carnet. Tu es assise dans un fauteuil confortable. Et il y a un jeune garçon avec les cheveux en bataille qui te regarde avec yeux apeurés. Donc le passant 13 devient une boucle. Un supérieur, d'accord. Intéressant. C'est pourtant qu'il est effrayant que les arbres dévorent les enfants. Oui, je suis d'accord, en effet. Je ne veux plus aller dans le parc. Je renonce à la promenade. M'envoyez plus dans le parc, madame. Vous promettez, vous m'enverrez plus dans le parc. Je vais me perdre et les arbres, ils vont me dévorer. On va voir. Je ne sais pas, on va voir. On va voir. Non, on va pas t'emmener là-bas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Vous me voyez? Non. Tu es invisible. Non, oui, je te vois. Pourquoi? Pourquoi? Il y a plein de gens qui me voient plus. Mm-hmm, qui me croient plus. Intéressant. Qui croient plus que j'existe. Mm-hmm. Comme si j'avais été bu par les murs. Vous êtes peut-être perdu dans l'oubli, c'est possible, ça. Mm-hmm. Comme un des patients de la semaine dernière. Quand tu redresses la tête, tu es toute seule dans, okay, bah, dans la pièce avec un petit carnet. Je parle à un mur. Un carnet que tu as dérobé dans le bureau du supérieur. Patient 49. Edgar Morin, dit bouton. Ha! Il a plus de dossier! Je vais le brûler maintenant. Non, je vais pas le brûler. Oh, jolie tête. Je vais voir. Jolie tête. Ouh, il ressemble à ça. Ça se trouve, c'est lui. On sait pas. Hein. Quand il était petit. Quand il était petit, oui. C'est ça? Waouh! Et tu es assise tranquille, il n'y a personne d'autre. Est-ce que tu vas dissimuler le dossier que tu as dérobé? Je le garde. Tu passes sous ta blouse. Avec un crayon, allez. Direct. Tu mets ton petit crayon et l'air nonchalant, tu t'éloignes dans le couloir. Tout va bien. Encore une journée lorsque... normale. Tu arrives dans le couloir, tu poses ton pied au sol et là tu sens l'eau qui vient recouvrir tes orteils. Oula. Tu sens l'eau et tu vois dans le prolongement du couloir l'alignement des douches. Et sous les cintres, tu aperçois au loin le miroir qui reflète qui te reflètent toi, mais comme en abîme. Comme si tu avançais en même temps que tu reculais. Ne pas croire au reflet. Tu ne crois pas au reflet, et derrière ton reflet, ce que te dit la psyché, c'est qu'il se tient un arbre immense, l'un de ces arbres vénérables comme il y a dans le parc, qui ouvre une gueule béante. Derrière moi ? Où coule de la Seine. Je crois pas. Tu t'avances plus avant dans le couloir ? Oui. Tu dois te tenir au mur parce que le niveau de l'eau est tel et l'eau n'est pas ici translucide, c'est pas... Thalassophobie, au revoir, Ce n'est pas une eau claire. Au début, tu voyais encore le carrelage. Tu voyais encore le carrelage au travers de l'eau, mais... J'arrête d'avancer. Maintenant, tu ne vois que une masse de tourbe noire qui recouvre le sol dans laquelle tu avances péniblement. Sur les murs, il n'y a plus de couleurs, juste des teintes prodigues les divers moisissures qui ont colonisé ceci. Le plafond n'est plus uniforme, il y a partout des branches qui rentrent. J'arrête d'avancer. Qui s'avancent et tu sens l'air du dehors qui rentre et tu aperçois par le trou béant de ce qui fut autrefois le plafond un peu de la nuit qui apparaît au dehors. Ce pourrait être le jour, mais il y a de drôles de nuages roses qui s'amoncellent et qui annoncent une pluie acide. Vais-je comprendre ce que me disent les voix, ce que les voix me disent? Que te disent, quelle est à l'oreille de chuchote, et tu sais qu'il est là parce que tu sens comme une main posée sur ton épaule ou comme une main qui tente de retenir la tienne mais qui n'ose pas, qui s'approche sans te toucher. Tu sens juste la présence, le frôlement. Ce n'est plus qu'un fantôme désormais, un vieux souvenir oublié. Lointain et pourtant présent, des frôlements successifs qui ont accompagné tes mouvements. Lorsque tu avançais dans la pièce, tu le sentais toujours présent, toujours autour de toi. Entends-moi. Ne m'oublie pas. Prends garde au vorgne. Le forme est dans la clairière. Tu vas tous nous dévorer. Mais non. Il ne va pas tous nous dévorer. Il veut s'emparer de tes souvenirs. Mais non. Il veut dévorer tes cœurs. Mais non. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. C'est le 6. Ah oui. C'est celui-là que tu as tiré ? C'est le 4, j'avais tiré un des 4. Non, toi c'est le D6. Ah oui, le D6, pardon. Toi tu as le 6. Bah 3 maintenant. D'accord. Donc je le note pour. On va le noter sur ta fiche. Elle est là. Okay. Mais du coup, au patient 13, il arrive quoi. Rien compris. Rien compris. Alors,